Vers le Sinaï par Pierre Loti. Marcher tout le matin dans d'interminables vallées semblables aux parois de granit rouge, montant par des pentes insensibles vers le grand Sinaï où nous serons demain. Elles s'élargissent, les vallées, et les montagnes s'élèvent. Tout devient de plus en plus grandiose parmi des nuées changeantes et sombres. Là-bas, devant nous, par de gigantesques baies de pierre qui s'ouvrent, nous commençons à percevoir de plus hautes cimes encore, avec de blanches neiges éclatantes sur l'obscurité des fonds et du ciel. Et un vent glacé se lève, venant d'en face, des contreforts du Sinaï. Il nous inonde de pluies fouettantes, de neige fondue, de grésil. Nos chameaux crient et tremblent de froid. Nos légers vêtements de laine blanche, nos mains souliers d'arabe, tout est vite traversé par l'eau ruisselante, et nous voici tremblant nous-mêmes, les dents serrées, les mains douloureuses et inertes, transies mortellement. Pendant une accalmie, nous plantons la tente de midi dans un recoin abrité, sorte de fondrière de granit, fermée et sinistre sous les ténèbres du ciel. Nos bédouins allument un feu de menues branches aromatiques qui donnent une grande flamme et une grande fumée, et nous nous asseyons autour, pêle-mêle parmi eux, confondus tous dans un même besoin de nous réchauffer, de ne plus souffrir. Avec leurs membres nus et noirs, leurs haillons de pelleterie, leurs têtes sauvages, leur accroupissement de singes, ils ont l'air de préhistoriques autour d'une flambée primitive. Quand nous nous levons pour repartir, de gros scorpions verts qui avaient voulu se chauffer aussi sont là près de nous, sur le tapis multicolore où nous étions assis. Nos bédouins les jettent dans les cendres ardentes de notre feu où ils se tordent et se consument. Pendant l'après-midi, nous voyons changer autour de nous la teinte et la nature des pierres. Les granites deviennent plus friables et plus incolores. Sous la pression froide et la demi-nuit d'un ciel d'hiver, nous cheminons dans des séries de vallées au sol de sable uni, enserrées par des bordures et coupées par des îlots de roches d'une couleur neutre de chameau. Plus rien de ces angles vifs, de ces pointes aiguës, de ces récentes brisures que nous avons coutume de voir autour de nous depuis 2 jours. Au contraire, des entassements de blocs polis, aux aspects mous, ayant des rondeurs et d'étranges contournements de bêtes. On dirait des superpositions de monstres, de pachydermes, de salamandres, de larves, ou bien des agglomérats de membres embryonnaires, des trompes, des bras, emmêlés et soudés ensemble. Au carrefour lugubre de ces défilés, de vagues têtes d'éléphant ou de sphinx posées comme un bedel sur ces amas de formes, ont l'air de contempler et de maintenir les désolations d'alentour. Il a fallu des millénaires de tranquillité, sous le soleil et sous les pluies, pour sculpter et polir ces collections d'inquiétantes choses. Et toujours le silence, et toujours personne. Rencontrer quelques petits oiseaux de la même couleur neutre que les pierres, et quelques lézards scameux comme des crocodiles. Le ciel demeure funèbre et bas, accentuant ses immenses tristesses, et de temps à autre, des grains de neige ou de grêle tombent encore sur nous. Par 1000 mètres d'altitude environ, nous campons au crépuscule d'hiver entre des roches de cauchemar. C'est à l'ouverture d'une vallée large, sorte de plaine, murée de partout, comme avec des amas de monstres morts. Parmi ces grandes bêtes fossiles dont nous sommes entourés, nos bédouins se cherchent des abris et allument des feux, sous des têtes, sous des ventres, qui ont des polis presque luisants. Le ciel, d'une opacité de plomb, se mêle au chaud de la terre dans une confusion obscure. Cependant, un reste de jour livide traîne encore, permettant de prendre conscience des lointains de cette plaine fermée, juste assez pour percevoir ce qu'ils ont de sinistre. Et toujours, la neige tombe sur notre campement perdu. Alors, on sent bien de ne pas être tout à fait des hommes de la tente, malgré le charme de la vie nomade par les belles journées de soleil. L'homme des maisons de pierre qui s'est formé au fond de nous-mêmes par des atavismes si longs, s'angoisse vaguement de n'avoir pas de toit, pas de mur, et de savoir qu'il n'y en a nulle part alentour, dans ce désert assombri dont l'étendue fait peur. Au matin, quand nous levons le camp, le ciel est moins bas et la neige ne tombe plus, mais de gros nuages se tiennent immobiles contre des granits géants qui sont partout, qui se dressent, de tous les côtés à la fois, au-dessus des amas de bêtes pétrifiées, et dont nous n'avions pas soupçonné la présence dans les obscurités nébuleuses d'hier. Nous reprenons notre route ascendante par des gorges d'un aspect effroyable, sorte de couloirs sablés, entre des murailles toujours plus hautes et plus sombres. Nous sortons de la région des formes animales grises pour entrer dans les granits bruns ou aux farouches attitudes droites. Le froid augmente et l'air se fait plus étrangement sonore. À midi, pendant l'heure du repos, quand nos bédouins passent, caravane transie au milieu de cette ombre glacée, leurs clameurs se répercutent et se prolongent comme la fugue des grands orgues dans des cathédrales infinies. Il y a des lointains fermés et noirs, au fond desquels la blancheur morte des neiges éclate çà et là, parmi des nuées mystérieuses qui stationnent. D'heure en heure, tout devient plus gigantesque, et sur le soir enfin, parmi les cimes granitiques enténébrées de nuages, les hauts remparts et les quelques cyprès du couvent du Sinaï nous apparaissent au travers des flocons blancs dont l'air est rayé. Hélas, comme elle est silencieuse, sinistre et froide, cette apparition de la montagne très sainte, dont le nom seul, à distance, flamboyait encore pour nous. Les temps sont trop lointains, sans doute, trop révolus à jamais, où l'Éternel y descendit dans des nuées de feu, au son terrible des cors. Fini, tout cela, elle est vide à présent, comme le ciel et comme nos modernes âmes. Elle ne renferme plus que de vains simulacres glacés, auxquels les fils des hommes auront bientôt cessé de croire. C'était « Vers le Sinaï » par Pierre Loti.